crown me with thorns on the day I was born. By the light of a cold television, and I remember the bars on his uniform as he fell from my field of vision. When he didn't come home, it was just us alone, and the bride and the widowed civilian. Then one April night, after Ma took her life, I fell down the street to oblivion. And I took what the dumpsters were giving, and I did my best to survive, 'cause I figured that life's for the living while you're alive. And the small violins, them raging success as a failure. And it's colder than hell in this cardboard hotel, which I share with the chronic embezzler. So I beat my retreat down Collister Street to one of my holy places, for they've tangled my wings with wire and string, and I'm spinning in a whirlpool of faces. But I'll take what the dumpsters are giving, yeah, and I'll do my best to survive, 'cause I'll figure that life's for the living. Yes, I'll figure that life's for the living. Downstairs are giving, and I'll pray every night the same girls, 'cause I figure that life's for the living, at least for a while, at least for a while. This one's about a drug dealer. Attack. Oh, place my order 6 hours ago. Oh, come on, listen, man. You got to understand. I got places to meet, oh, people to make, and no money to blow. Don't tell chameleon man, he never understand. Sits on his fortune and stares at you while lit a hot wire, a Cadillac. Take it to heaven back. Let's get away from it all. You got her in your hand, she's got me by the ball. Hey, Mr. Cardiac, can you spare me $10? Oh, why do you say, Mr. Cardiac, be on Friday? Or can't you help me with the time? Don't play that money like the rest of those clowns. Oh, get out your easy chair. Call Tony Millionaire, cause we're going to town. You're setting him up and I'm knocking him down. Hey, Mr. Cardiac, can you spare me $10? You're caught it for you on Friday. Can't you help me with the time? Chasing the dragon tail, caught at if I now spam me the ticket tape. Time to negotiate, give me the loan and the shot. Are you on the inside? Is she dead or alive? Hey, Mr. Cardiac, can you spam me $10? We got one more sad one for you, and it's back to rock and roll. To beat me before I learn how to play. Where are the authorities when you need somebody blown away? do I have to suffer before I'm a martyr? Is it true that you have to do good before people will pay for a look at your bones? You've got to be kidding me. Does this mean that I'll never be the same? With my pockets full of platitudes and that dusty crown of thorns, yeah, it's used but barely worn. 'Cause I have grown broke and desperate through the downstairs of the Lord. Threats and curses at the sky. A pounded on the stubborn shore, 'cause it can never be a symphony if nobody cries, nobody cries, nobody cries. Tears do I have to cry before they wash me away? It's a do, it's a comedy. Tears are down and I see another day with my pockets full of platitudes and my dusty crown of thorns. Yeah, it's used but barely worn. 'Cause I have grown broke and desperate through the dumpsters of the Lord. Through the dumpsters of the Lord. I was a world's an endless sea. I wrestled. I hurled foul threats and curses at the sky. A wrangler with the sullen sea, 'cause it can never be a tragedy if nobody dies, nobody dies, nobody dies. Thank you very much. This is for Mr. Charles Ponzi. insist I'm a faker. Well, I ain't no fool, just play one on TV. And misery loves company. That's why everyone loves me. Now buy me a drink and I'll tell you all a story about a bastard who traded a treasure for glory. Well, the treasure was true love, the bastard he was me. And misery loves company. That's why thank you. Here we go again. It's time to spend the last lucky dollar. But can't you see it now? Sleep down on the train, singing that sad refrain. Oh, you could have been a contender. But look in your eyes, you can see that they despise you. But you know, it doesn't much really matter. Cause there's the train, there's the track. Don't say goodbye, don't look back. Cause if you do, you know that you're gonna shatter. I never told my mind I wanted to go. Can't make a change, but all your problems demanding complication. I couldn't get you to sleep while other people on the street are just like insects crawling on the carcass. And you were crawling when I wanted to fly, but you were laughing when I wanted to cry. Comedian, if I wasn't such a joke, I guess I knew it on and on. Being bonds where I went wrong, I always heard the medication. I was bent out of my head. Get out of my head. Trying to be an astronaut, if I weren't afraid of heights. And you know I could be a supermodel if you turned out all the lights. But all my days are painted gray, and I got nothing much left to say. My ambition is lying under the roof. Get out of my head. Get out of my head. Yeah. vegetators. Why don't you disappear for good? 'Cause Hitler cut up and made a campaigner. And stand by super truck. Great career if I could just hold down a job. And baby, I could be a social butterfly if I wasn't such a star. I always drank everything I got and everybody that I ever shot. Miss the time until I finally get the world. Get out of my head. Get out of my head. Made somebody sad, but thank you very much. Good night. Vous êtes toujours bien sur le 100 FM Radioactive. Nous venons de finir à l'instant notre live de Firewater et retour de nos rubriques récurrentes. On les aura quasiment toutes faites ce soir. Et là, c'est le retour de l'underground musical français, bouquin de Grimaud et de Zeck. Et on va revenir sur l'une des principales périodes marquantes, on va dire, de la vie actuelle, c'est le Festival Punk de Mont-de-Marsan en 1977. Et après, on aura encore plein d'autres trucs sur les différents concerts de l'époque. Allez, l'été 1976 est caniculaire. De mémoire d'homme, on n'a jamais vu ça, mais c'est un été pourri pour les festivals. Alors que Michael Lang, l'organisateur du Festival de Woodstock, fait un quasi-flop avec Riviera 76, qui devait être un énorme festival jazz-rock sur le circuit Paul Ricard au Castellet. Quelques jours plus tard, début août, a lieu la première soirée du Forum musical dans les arènes d'Arles avec Zao, Michel Portal avec Bernard Luba, Claude Nougaro, l'Art Ensemble of Chicago et Vandergrave Generator. La soirée se termine bien malgré des altercations entre services d'ordre et resquilleurs à l'entrée et l'incendie d'une voiture. Suite à cela, malgré les efforts de l'association organisatrice Yasmine de Rohan, la deuxième et dernière soirée, au cours de laquelle devaient jouer Magma, Sun Ra et Archie Shep, est interdite par la préfecture. Cette interdiction provoque de nouvelles altercations, le pillage du stock de boissons, un départ d'incendie dans les arènes et l'intervention des CRS. Ces événements déclenchent les interdictions en cascade des festivals d'Orange, organisés par Wawa, des Hauts de Corbière et de Nîmes. Dans ce contexte, fin août, Skydog Management, mené par Marc Zermati, anticipe sur tous les problèmes d'ordre et de sécurité et réussit à faire tenir le First European Punk Rock Festival dans les arènes de Mont-de-Marsan. Si ce festival Revival Rock'n'Roll avec Eddie and the Hot Rods, Bijou, Jean-Pierre Calfon, Little Bob Story, Speedball avec Louis Bertignac n'attire finalement que peu de monde, environ 2500 personnes, il reste symboliquement celui qui donne naissance au mouvement punk en France. La seconde édition 1977 proposera quasiment la même programmation, Bijou, Little Bob, The Hot Rods, hormis la venue de deux groupes anglais et pas des moindres, The Clash et The Damned. Je vous propose de découvrir maintenant avec Dominique Bromberger la punk music. On en a parlé ces derniers jours en France, c'est un phénomène britannique, découvrons-le ensemble. Qu'est-ce que la punk ? Les étrangleurs, les intellectuels du punk. Leur guitariste vedette, Hugh Cornwell, a même un diplôme universitaire. Un diplôme et 27 ans des titres à ne pas trop afficher. Le punk rock est en effet né dans les milieux les plus pauvres d'Angleterre, en réaction contre les idoles embourgeoisées de la pop music. Et passé 20 ans, on y fait figure de vieillard, incapable de comprendre quoi que ce soit à la nouvelle génération. Johnny Rotten, Johnny le pourri, leader d'un autre groupe, les Sex Pistols, laveur de carreaux et chômeur, s'est bâti une célébrité en crachant à la figure des passants le long d'une des artères les plus chics de Londres. Et si Jean-Jacques, le chanteur des étrangleurs, parle français, c'est parce que ses parents sont français. Qu'est-ce qu'elles disent vos chansons ? Oh, elles parlent la vie, surtout à Londres pour nous, parce que nous sommes londoniens, mais ça aussi parle... Ça parle de... Il y a une chanson qui parle de frapper sa... la petite amie. Il y a une chanson qui dit « Merde à la reine ». Parce que la reine, pour nous, elle... qu'est-ce qu'elle fout ? Pour nous, elle n'a rien à dire. Peut-être... Il y a beaucoup de choses, aspects politiques maintenant. Agression, provocation, protestation, une musique volontairement simple et même simpliste pour rester accessible à tous, c'est tout ça le punk rock. Ça veut dire beaucoup d'action et beaucoup d'agression vers ce qui a besoin d'être agressé. Qu'est-ce qui a besoin d'être agressé ? Les cervelles d'abord des gens, parce qu'ils sont trop apathétiques, ils sont trop léthargiques. Il faut bien les emmerder maintenant. Parce que ici en Angleterre, surtout, ils n'ont rien foutu depuis des années. Vous n'aimez pas les Beatles ? Non. Vous n'aimez pas les Rolling Stones ? Non. Pourquoi ? Parce qu'ils sont... c'est un pléonasme, c'est bien ça. Ils sont... ils n'ont rien, pas de valeur dans ce monde que nous vivons. Ils sont le résultat d'une autre période. Ils sont morts. Ce sont juste des show business. Ils devraient être aux Folies Bergères. Le Roxy à Londres est le temple du punk, mais la vague a déferlé depuis plusieurs semaines sur l'ensemble de l'Angleterre, non sans que se produisent parfois des bagarres qui sont autant de manifestations de rejet. Mais enfin, il ne s'agit plus d'un phénomène isolé. Tout mouvement de jeunesse qui part en révolte, tel que le mouvement qu'on a eu depuis les années 60 avec les Beatles, etc., était très vite récupéré par la bourgeoisie. Alors, ils cherchent, parce qu'ils sont en révolte contre cette société, ils cherchent à s'isoler, ils essaient de se protéger par

Sur un mur, j'ai vu un dessin d'enfant, un autobus anglais à deux étages. Un punk avait écrit « Direction n'importe où ». Et sur l'impérial, « Direction nulle part ». Nous vous avons déjà parlé et présenté d'ailleurs le phénomène punk. Punk, c'est un mot anglais qui veut dire minable, moche. Les punks se font remarquer par une tenue volontairement minable, provocante, preuve qu'ils attachent peu d'importance à ce qui peut paraître important à d'autres personnes. Les punks aiment la musique et en particulier le rock and roll. C'est pourquoi ils s'étaient réunis ce week-end à Mont-de-Marsan pour un festival punk. Objectif, faire peur, choquer, bousculer les habitudes. Objectif raté, il faut bien le dire, du moins à Mont-de-Marsan, car ils n'ont réussi à susciter que curiosité, étonnement, indifférence, parfois peut-être aussi pitié de la part des Montois, les habitants de Mont-de-Marsan, autrement dit, les indigènes, curieuse parodie des mots. Bien difficile de trier dans le lot. Le mot punk cache en fait beaucoup de choses bien connues, toutes catégories sociales réunies, l'ensemble en mal de fantaisie. Certains arrivant en voiture de sport, d'autres nu-pieds, ici le punk des bas quartiers côtoie le punk parfumé. Pour tous, 70 francs les deux jours de folie. Seul point commun, hormis l'allure, la musique. Du rock presque sans foi ni loi, mais terriblement rythmé. And you! Jamais avare d'une insolence, il vient de nous rappeler que le premier festival punk de l'histoire a eu lieu à Mont-de-Marsan. Pendant que la France ronronne en ses étés 1976 et 77, des petits gars énervés traversent la Manche. Ces années 1976-1977 semblent être celles d'une lassitude des réseaux militants de la première heure. Alors que le magazine Actuel est largement bénéficiaire, Jean-François Bizot décide de mettre un terme à sa publication en 1975, considérant que depuis sa fondation, l'époque n'est plus la même. Toutefois, le quotidien Libération prend en quelque sorte le relais, au moins pendant quelques temps, pour les musiciens de l'underground. Libé publie sur 3 jours la saga de Barricade racontée par Hector Zazou lui-même, de longs articles sur Camisole, Étronfou, Jacques Bérocal, Urban Sax, sur la Scopa de Jacques Pasquier. Libération va aussi soutenir le manifeste des Baroques en 1976. Pour les organisateurs de concerts, l'énergie des premières années s'érode aussi. Beaucoup d'associations cessent leurs activités. D'autres n'assurent plus que la fonction de relais locaux aux tournées de groupes étrangers organisées à l'échelle nationale par des sociétés de production, telles l'ultra-dominant KCP et le plus modeste Wawa, fondé par le très respecté Assad Debs, qui fait tourner la plupart des groupes allemands en France depuis quelques années. Quelques-uns passent du bénévolat à la production professionnelle grand format, tels Gérard Drouot ou Alain Lahana, qui devient le tourneur de son ami Paul Persson, puis de David Bowie, Iggy Pop. He rides and he rides. He sees things from under. the glass. He looks through his window inside. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city sleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is yours and mine. And all of it is yours and mine. So let's ride and ride and ride and ride. La situation pour les musiciens rock français ne s'améliore guère, voire empire. Au lendemain de cet été des festivals interdits, une initiative collective est lancée à travers le Manifeste des Baroques, publié par Libération le 30 octobre 1976 et signé par près de 150 groupes, musiciens, journalistes, associations, labels, magasins de disques, librairies, etc. Le Manifeste entend mettre un terme à la domination du rock anglo-saxon sur scène et dans les médias, par une plateforme de revendications communes. Une considération accrue de la part des journaux, radio et télé, l'obligation de première partie française, la fin des concerts organisés dans des cadres trop précaires, une promotion réelle des musiciens par leurs maisons de disques, la nullité juridique des contrats d'exclusivité pour la représentation des artistes étrangers, l'abaissement du taux de TVA, alors de 33,3%, auquel sont assujettis concerts et disques, la reconnaissance du rock par les institutions publiques. Et donc, le manifeste est accompagné d'un article de Philippe Beaune dressant le lamentable panorama, entre guillemets, de la situation des musiciens français. Libération soutient ce mouvement par la publication du manifeste et par l'appui de Mai Productions, structure succédant à Nomade, qui organise le 6 novembre 1976 le festival Baroque, auxquels participent les Stinky Toys, Étronfou, Angel Faces, Kevin Coyne, Stevie Lage et Urban Sax, qui donnent là sa première prestation publique. Malgré l'énergie catalysée, hormis ce festival, le manifeste n'aura pas d'impact notable. Thank you. l'écrasante chape de plomb maintenue par les médias radio-télévisés et tout particulièrement le microcosme des studios parisiens des Buttes-Chaumont, tournant avec quelques grands poids lourds de la variété française, a paradoxalement eu des effets néfastes sur la chanson française elle-même. De nombreux chanteurs, trop vrais, pas assez polis, trop ceci, pas assez cela, font la tournée des petites et moyennes salles en France, MJC, théâtre, maison de la culture, se passant même parfois très bien de soutien médiatique pour trouver leur public. Cette frange de la chanson française trouve un peu plus de lumière avec le Festival du Printemps de Bourges, organisé par Daniel Colin, Alain Meillant et Maurice Fraud et s'appuyant sur la Maison de la Culture de Bourges. Le festival invite, parmi pléthore d'artistes, François Béranger, Jacques Higelin, Dick Angarde, Bernard Lavillier, Catherine Ribeiro, Colette Mani, Jacques Bertin, Mama Beatiekelski, lors de la première édition en 1977, Alan Stivell, Moustaki et Areski Fontaine, Jean-Roger Cossimon, Renaud et à nouveau Mama Beatiekelski en 1978. Hubert Félix Thiéphen, David McNeil, Glenn Moore, Téléphone, Magma, Dan Arbraz, Albert Marker en 1979. Le festival restera éclectique et ouvert, mais va très vite avoir la folie des grandeurs. A noter aussi qu'il développera à partir de 1985 un réseau printemps sur plusieurs régions de France afin de donner l'occasion à de nouveaux talents de se faire connaître pour ensuite se produire au festival dans le cadre de découvertes. Ce réseau sera d'abord supervisé par Maurice Fraud, puis par les anciens membres du réseau Tartampion, Michel Grèze, Marcel Gallinari et Cyril Lefebvre. Avant de se quitter à la veille de l'ouverture du Printemps de Bourges, retour sur la première édition, c'était il y a 34 ans, en 1977. Attention, le printemps est de retour. Comme chaque année depuis 35 ans, c'est à Bourges que s'ouvre la saison des festivals. Devenu incontournable du paysage culturel français, le Printemps de Bourges est né ici. Vous êtes à Saint-Just dans le Cher et vous êtes dans une maison. Et c'est dans cette maison que se tenaient les premières réunions dans les années 75-76 pour préparer le premier Printemps de Bourges. À l'époque, Alain Meillant est programmateur à la Maison de la Culture. Avec sa bande de copains, ils sont fauchés, mais créatifs. La grande pièce de collection, c'est ça. C'était la première année, en 77, comme on n'avait pas d'argent pour imprimer un programme, on avait demandé au Nouvel Littéraire, qui est un journal qui n'existe plus maintenant, de faire un gros dossier sur le printemps et de publier notre programme en même temps. Et il y avait un jeune journaliste, d'ailleurs, vous voyez, qui s'appelait Maxime Le Forestier. On ne savait pas trop où on allait, hein. On n'avait pas un programme. On a rêvé, quoi, voilà. Tout d'un coup, il y a quelqu'un qui dit « Ah, il faut absolument programmer tel chanteur, c'est un mec bien. Oh, pas du tout, il fait de la merde et tout. » Enfin bon, il y avait des vraies discussions, quoi. Mais c'était des discussions qui étaient à la fois fortes, mais on était quand même dans un affectif entre nous, quoi. On s'est mis d'une équipe qui s'aimait bien. La ville est prise d'assaut. 13 000 places sont vendues en quelques jours. On vient voir Charles Trenet, Jacques Higelin ou encore Serge Reggiani. En 1977, Claude Villers travaille pour France Inter. Son émission très écoutée attire toujours plus de public vers Bourges. Et l'afflux de festivaliers surnommés alors les Indiens dérange. C'était l'indifférence, plus qu'autre chose. On avait l'impression qu'il n'y allait pas avoir une manifestation ce soir-là. Enfin, je veux dire, rien ne laissait présager. Alors il y avait quelques jeunes gens à cheveux longs, donc je me suis même fait injurier à un moment parce que j'avais fait venir tous ces voleurs de poules. Je me disais, mais c'est vrai, tous les magasins ferment, les restaurants, les bistrots, tous tiraient le rideau. Et il y avait... Il n'y a personne, en fait, bon, il y avait beaucoup de monde. Thomas Messanguet tenait ce bar-tabac à côté de la Maison de la Culture. Au départ, pour lui, le Printemps de Bourges, c'était avant tout beaucoup de nuisances. Il a vu le petit festival de province changer de visage. Regardez où y couchaient les gens. Tout le parc Saint-Paul. Et regardez, tout le parc Saint-Paul, y couchait par terre. Regardez, y couchait dans les voitures. À côté de la Maison de la Culture, il y en avait partout des voitures comme ça, ils couchaient dans les voitures. Les gens ont changé, pareil. Même Collins, le directeur lui-même, que j'ai vu arriver avec une vieille deux chevaux, toute déguenillée, comme on dit dans... Hein? Aujourd'hui, il n'a plus la même voiture, hein? Il ne couche pas au même hôtel. Hein? De Depuis avril 1977, plus de 3000 groupes ont été programmés au Printemps de Bourges. Cette année encore, on attend près de 50 000 spectateurs. Une belle histoire pour un petit festival de province. En 1977, prend forme le collectif Rock in Opposition, à l'initiative de Chris Cutter du groupe Enrico. Le groupe tourne depuis plusieurs années sur le continent et y a rencontré des groupes avec lesquels il partage plus d'affinités qu'avec les Anglais. Mais ces groupes, écrasés par la domination médiatique des Anglo-Saxons, restent trop méconnus. Il décide alors de les promouvoir en organisant un festival à Londres qu'il nomme Rock in Opposition, avec pour slogan « La musique que les maisons de disques ne veulent pas que vous entendiez ». Pour ce festival au New London Theatre le 12 mars 1978, il invite Étrompfou le Loup Blanc, Univers Zéro de Belgique, Sam La Mamas Mana de Suède et Stormy Six d'Italie. Environ 450 personnes assistent à la soirée. Ce succès, malgré le déficit financier, incite les musiciens à prolonger leur association. Le groupe Enrico se sépare cependant quelques mois plus tard, donnant son ultime concert à Milan en juillet 1978. Chris Cutler fonde Hard Beers avec Fred Fries et Dagmar Krause. Début décembre 1978, dans les studios Sunrise de Kitchberg en Suisse, alors qu'il travaille sur le premier disque d'Hard Beers, une réunion Rock in Opposition a lieu avec la plupart des musiciens concernés. Chemin faisant, une charte est définie instituant le collectif Rock in Opposition, destiné à développer un réseau parallèle de distribution, de promotion et d'organisation de concerts. Trois nouveaux groupes entrent dans le collectif, Hard Beers donc, Hard Zoid et Akzak Maboul. Chacun organise des concerts pour les autres dans son pays respectif. Étrompfou part ainsi jouer en Suède et en Italie, mais ne réussira pas à organiser un concert à Paris. Un deuxième festival Rock in Opposition, d'une semaine cette fois, se tient au Teatro del Elfo de Milan en avril-mai 1979. Malgré les nombreux concerts organisés à travers l'Europe, aucune autre réunion organisationnelle ne permet de consolider le collectif et de planifier ses actions. Si le mouvement RIO n'est officiellement actif que durant ces années 78-79, il marque durablement les esprits, Rock in Opposition devenant parmi les aficionados un vocable pour désigner les groupes qui les lancèrent et, par extension, ceux qui en sont plus ou moins proches dans leur démarche. Chris Cutler crée durant cette même période Recommended Records avec Nick Hobbs, qui est une structure alternative, indépendante et non commerciale de distribution et de diffusion de disques. En 1981, Recommended Records publie ou réédite notamment Faust, Slap Happy, Univers Zéro et parmi les Français, Vidéo Aventure, ZNR, Joseph Racaille ou encore Hard Zoid et Art Moulu. D'autres labels en Europe fonctionnent avec celui créé par Chris Cutler et forme un réseau amical implanté en France, AIA Disc, en Italie, ADN, en Suisse, Rec Rec et en Allemagne, No Man's Land, Bad Alchemy. We'll be right back. En 1980, à Reims, l'association AAA, à l'automne Alité, organise un festival rock in opposition à la Maison de la Culture André Malraux. L'éditorial de Patrick Plunier, instigateur du projet avec Dominique Diebold, précise « Un nouveau public secret qui veut écouter de nouvelles musiques. Ce que proposent tous ces groupes, c'est une alternative au show business et l'émergence d'une musique européenne. » Au programme, entre autres, Catalogue, Étronfou Loulou Blanc, Guédalia Tazartès, ZNR, Pataphonie, This Hit, Stormy Six, Axac Maboul. Quelle affiche! Jackie Berroyer écrit un fameux article dans Libération titré « On y était ». L'année suivante, le festival devient celui des musiques de traverse. La programmation est toujours assurée par Plunier et Diebold avec l'aide de Tim Hodgkinson, cofondateur du groupe Enrico. Quelques journalistes et chroniqueurs musicaux se déplacent et font leurs papiers, mais ils seront refusés par leur rédacteur en chef. Par contre, pour la troisième édition, c'est le magazine musical hollandais Vinyl qui organise au Paradiso d'Amsterdam un festival bis avec une programmation jumelle. Parallèlement, l'AAA organise des concerts tout au long de l'année. Puisque la presse musicale officielle les boude, ils décident en 1981 de créer leur propre revue Note, qui sera un moyen d'expression et de diffusion des autres musiques durant plus de 10 ans. En contact avec Chris Cutler, l'AAA devient la branche française de Recommended Records et crée son propre label discographique AAA en 1982, devenu AYAA ou AYA en 1984. Le Festival des musiques de traverse a lieu jusqu'en 1986 à la Maison de la Culture, les locaux étant entièrement affectés à partir de 1987 au Centre Dramatique National, devenu depuis la Comédie de Reims. Une ultime édition du festival a lieu en 1988 au Centre National Art et Technologie de Reims. Ces initiatives rémoises marqueront durablement les esprits et seront déclencheurs d'autres projets, particulièrement dans l'Est de la France, le Festival Musique Action, la revue Intramusique, les labels Musea et Impolisson, le distributeur Planétarium, etc. Yeah. comedy coco. Comedy, comedy coco. Sur le 100 FM, l'underground musical français, c'est fini avec peut-être un des morceaux les meilleurs et les plus méconnus de toute cette période de la fin des années 70 et que l'on passe quasiment jamais. Je crois bien que c'est la première fois que je le passe dans l'émission. C'est le groupe qui s'appelle Catalogue. Le morceau, c'est Come In It Twist. C'est une véritable merveille intemporelle. Ça n'a pas pris une ride en fait. On dirait pas que c'est aussi vieux que ça. Et la mission va bientôt s'arrêter parce qu'il commence à être effectivement super méga trop tard, que demain on travaille ou pas. Voilà, moi je ne travaille pas donc j'en profite, c'est les fêtes de fin d'année. J'espère que pour vous c'est pareil. Et on se quitte en musique avec un tout dernier morceau, groupe français qui s'appelle Usé et le titre c'est Amphitamine. Et je vous souhaite donc un très bon Noël et on se retrouve dimanche prochain. Allez, à bientôt, ciao.